maître, disciple et initié. Donc, dans le cadre de l'enregistrement, je vise à faire une lecture vibratoire par rapport à ces trois éléments, ces éléments-là, pour être capable de bien les différencier. Donc, tout d'abord, un maître, c'est quelqu'un qui va maîtriser quelque chose, donc une forme, comme par exemple, on va dire quelqu'un qui est un maître du domaine des mathématiques. Donc, la personne est capable de faire adéquatement des équations mathématiques, de résoudre des problèmes. Donc, quelqu'un qui a la maîtrise, par exemple, du véhicule automobile, donc un automobiliste expérimenté. Donc, quelqu'un qui est capable d'utiliser adéquatement une forme. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est un maître dans le domaine de la musique. Bon, ben, c'est quelqu'un qui maîtrise bien un instrument de musique. Ça peut être un violon, un piano, etc. Donc, quelqu'un qui est capable de faire usage d'une forme d'une manière adéquate. Donc, ça, c'est un maître. Et par la suite, il va y avoir des disciples. Donc, les disciples, c'est quelqu'un qui va étudier l'enseignement d'un maître. Normalement, le maître, il doit maîtriser à la base qu'il enseigne. Donc, si quelqu'un, par exemple, est un maître dans le domaine de la philosophie, c'est qu'il maîtrise, c'est qu'il comprend certains concepts philosophiques, certaines formes se rattachant à la discipline qu'il enseigne, qu'il va enseigner à des disciples, à des élèves. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir un rapport d'autorité entre le maître qui peut être mis sur un piédestal parce qu'il maîtrise bien son secteur d'activité. Ça peut être l'enseignement du français, de l'anglais, de la littérature, donc de différentes choses. Donc, un enseignant et il va y avoir par la suite le disciple qui, dans le fond, ce qu'il va faire au niveau de la forme, c'est qu'il va se soumettre à la doctrine qui est proposée au maître et le bénéfice que ça lui donne, bien, si c'est un étudiant, ça peut être un diplôme. Tu sais, la personne qui étudie une philosophie à l'université, bien, par la suite, elle peut avoir un diplôme. Quelqu'un qui va étudier, par exemple, en génie mécanique à l'université, bien, par la suite, il peut obtenir un emploi ou faire partie d'un ordre professionnel. Donc, il y a certains éléments liés à l'intégration de la forme qui est corroboré par un système mis en place qui repose sur la forme. Si on prend le système scolaire, qui donne certains bénéfices à l'individu, qui va donner de l'importance aux formes qui sont enseignées par le maître. Dans le domaine de la conscience, on a ce qu'on appelle des maîtres du domaine, entre autres, de la spiritualité, qui visent à véhiculer une forme de conscience. Donc, le maître spirituel, c'est un individu qui va enseigner des formes spirituelles à d'autres personnes. Ça peut être des prières, ça peut être des mantras, ça peut être différentes phrases là, avec des affirmations positives, etc. Et le disciple, ben, c'est lui qui intègre ça, qui absorbe ça un peu à l'image d'une éponge. Et au niveau occulte, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que tant que l'être humain fonctionne au niveau de la forme et qu'il va viser à intégrer de la forme lorsqu'il est disciple, bien à ce moment-là, la personne vit en fonction d'éléments extérieurs à elle. Donc, le disciple qui intègre l'enseignement d'un maître qui est pour cette personne un point de référence dans sa vie, bien à ce moment-là, au lieu d'évaluer les choses par rapport à lui-même, il se réfère tout le temps au maître pour savoir comment penser. Donc, si la personne, par exemple, va agir en fonction de la philosophie qui est développée par Socrate, bon, ben, lorsqu'il est confronté à un problème, la personne va dire, OK, comment Socrate, dans ma situation, procéderait pour régler le problème? Ou au niveau éthique, si la personne fait une étude approfondie de la philosophie en matière d'éthique d'Aristote, ben, à ce moment-là, la personne va se référer à des concepts aristotéliciens pour faire face aux enjeux éthiques auxquels elle peut être confrontée dans sa vie de tous les jours. Donc, autrement dit, la personne se réfère à quelqu'un d'autre, à une instruction extérieure à elle pour se définir puis faire face aux contrariétés de l'existence. Lorsque la personne agit comme une disciple, et le maître, bien, celui qui, dans certains cas, il y a des maîtres qui ont certains niveaux d'orgueil, ça dépend, mais le maître, sa fonction, c'est d'enseigner quelque chose qui a la maîtrise, donc certaines formes qui lui ont apporté certains bénéfices, et de partager ça aux gens à travers un enseignement. Et les gens qui intègrent les formes du maître, bien, à ce moment-là, vont utiliser ça comme point de référence pour gérer leur vie. Donc, ça, c'est l'usage de la forme qui est faite entre le maître et le disciple. Et il y a aussi ce qu'on appelle les initiés. Et les initiés, c'est très différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un initié, il n'est ni un maître ni un disciple. C'est quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau qui va être au-delà de la forme. C'est-à-dire que la personne qui, au niveau de la conscience supramentale, est une initiée, eh bien, elle va véhiculer à travers sa parole une vibration qui ne vise pas à développer une sagesse qui est le produit de l'accumulation de formes et de constats sur le plan expérimental. Oui, ça peut avoir un usage relatif. Donc, quelqu'un, par exemple, qui maîtrise la science médicale, puis elle a fait un doctorat en médecine en relation avec des constats qu'ont fait ses prédécesseurs en faisant des études à l'université, oui, ça a certains bénéfices, naturellement. Par contre, le point, c'est que les constats au niveau de la forme sont relatifs. Mais si la personne est une initiée, elle ne s'appuie pas sur la forme qui provient de son environnement, elle ne s'appuie pas sur les manuels scolaires, elle ne s'appuie pas sur des citations qu'elle va entendre dans des conférences, elle s'appuie sur elle-même. Et la particularité de l'initié, c'est d'amener quelque chose de nouveau. Donc, initié, il faut le voir ici dans le sens d'amener de la nouveauté. Donc, par exemple, quelqu'un qui va initier l'usage, par exemple, je sais pas moi, d'un nouveau modèle automobile, bon, ben, il amène une nouvelle auto sur le marché ou initier quelqu'un qui va initier, par exemple, une nouvelle façon de faire des films, eh bien, en utilisant une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire le montage, bon, c'est quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau. Donc, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, a pu initier les voyages intercontinents. Donc, la première personne, par exemple, qui a utilisé l'avion pour partir de l'Europe puis aller en Amérique, bon, ben, elle initie quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle façon de se déplacer entre deux continents. Au lieu d'utiliser le bateau, bon, on utilise l'avion. Donc, l'initier, sa fonction, c'est d'amener quelque chose de nouveau à différents aspects. Dans le sens général, c'est d'amener quelque chose de nouveau, initier une nouvelle sorte de danse. Donc, il y a plusieurs sortes de danses qui ont apparu au fil des décennies. Initier un nouveau style musical, comme dans le domaine de la postmodernité, on peut avoir un mélange de musique heavy metal et de musique classique. Donc, des arrangements de musique classique en arrière-plan, puis en avant-plan, ben, on entend de la guitare saturée de distorsion. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qui peut être amené. Mais ici, c'est des éléments qui sont, oui, quelque part nouveaux parce qu'on réajuste ensemble des formes. Et ça amène une certaine originalité relative, mais le sens d'initié fondamental sur lequel je mets de l'emphase, c'est celui qui véhicule l'instruction supramentale qui va générer des nouvelles formes, non pas pour, dans le fond, nourrir l'astral, mais pour faire déloger l'astral. Donc, parce que c'est sûr que dans le sens commun, on va dire, bon, quelqu'un a initié un nouveau style de musique en mélangeant, par exemple, de la musique hip-hop, du rap, avec de la musique classique qui est aussi de la musique heavy metal, donc tout ça dans une chanson. On va dire que c'est quelque chose de nouveau, mais ça ne délogera pas l'astral. On fait de la recombinaison de formes. Tandis que là, initié, ben, c'est quelqu'un qui part d'une vibration pour générer des nouvelles formes dans le monde à travers sa parole, puis il n'est pas attaché aux formes qu'il génère. En ce sens qu'il n'est pas intéressé à regarder là, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Ce qui l'intéresse plutôt, c'est de s'auto-générer créativement dans l'instantanéité du moment présent. Parce qu'il ne cherche pas à nourrir un orgueil par rapport à lui-même puis à s'écouter parler. Tandis qu'un maître spirituel peut s'écouter parler puis dire « Ah ben, dans le passé, j'ai généré une grande sagesse, j'ai généré des belles formes. » Donc, c'est très différent. Fondamentalement, un maître et un disciple, c'est des gens qui ont un rapport de liaison bipolaire au niveau astral. Bipolaire dans deux pôles, dans le sens qu'il y en a un qui, le maître va véhiculer un enseignement et le disciple va suivre l'enseignement. L'enseignement est composé de formes, donc d'éléments mémoriels. Donc le maître procède à partir de mémoire qui peut être relatif au vécu, des informations qui lui sont acheminées dans le mental, qui en fait, et qui de la connaissance qu'il va encoder, entre autres, à travers de livres. Ça peut être aussi à travers des enregistrements. Et le disciple, ben, lui, il suit ça. Donc, si le maître, il dit, par exemple, qu'il faut qu'il fasse de la méditation 20 minutes par jour, ben, le disciple va écouter. Si le maître lui dit, il faut que tu fasses du yoga au moins 2 fois par semaine pour être en santé, ben, le disciple, s'il est vraiment très disciple, il va se plier à ça. Le maître va dire si, le disciple va faire ça. Et le disciple n'a pas de point de référence puis d'autonomie psychique réelle. Donc, si on pose la question à un disciple, pour toi, c'est quoi l'esprit? Ben, il dit, attends une minute, je vais aller vérifier auprès de mon maître qu'est-ce qu'il en pense. Puis le maître, ben, il va utiliser sa mémoire réflexive pour dire, bon, OK, dans le passé de mon prédécesseur, parce qu'il y a des successions de maîtres, hein, il y a un maître qui a eu déjà un maître dans le passé, ainsi de suite, ou en fonction de mes vécus, j'en viens à la conclusion que l'esprit, par exemple, c'est telle chose. Bon, que la personne s'appuie sur du mémoriel pour définir les choses. Tandis qu'un initié, dans le sens fondamental et vibratoire du thème, bon, ben, c'est quelque chose. On lui pose une question, il répond dans le moment présent. Il ne se réfère pas à son passé ou le passé de d'autres personnes qui est encapsulé à travers d'écrits ou d'enregistrements qu'il peut écouter. Parce que sans ça, la personne va répondre à une question en fonction de formes déjà existantes, comme on peut le faire dans un examen en classe. Donc, la formule maître-disciple, on la voit souvent dans le domaine scolaire, éducatif. Donc, quelqu'un qui maîtrise un sujet, il fait passer des examens aux élèves pour voir s'il a intégré la matière, c'est-à-dire les formes enseignées. Donc, quelqu'un qui donne un cours en mathématiques, bien, à ce moment-là, il va poser des questions de mathématiques. Puis si l'élève est capable de résoudre le problème mathématique en relation avec les formes qui lui ont été enseignées, bon, on va dire que l'élève, il maîtrise bien la matière. Donc, ça, c'est de l'évaluation psychologique au niveau de la forme. Tandis que l'initié s'adresse à l'individu dans sa dimension éthérique, ce qui n'est pas pareil. Un initié, dans le fond, son optique, c'est pas que les gens mémorisent ce qu'il dit, c'est tout simplement générer une vibration à travers sa parole qui va amener les gens qui ont la sensibilité à entrer en résonance avec la teneur vibratoire des propos. Et la personne qui est initiée n'est pas intéressée à avoir des disciples, n'est pas intéressée à avoir des gens qui sont suiveux derrière elle. Par contre, elle peut être intéressée à discuter avec des gens égal qui sont sur la même longueur d'onde. Et sinon, le propre de l'initié, c'est d'amener quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de générer une parole qui est créative. Et quelqu'un qui est réellement initié est intéressé à être en contact avec d'autres personnes qui vont émettre également de la créativité. Et lors des échanges, ben, il peut y avoir des relations entre eux qui s'établissent dans une optique, par exemple, d'ajustement vibratoire mutuel dans l'optique d'ajuster les égos pour que les égos deviennent plus transparents. Tandis que le rapport maître-disciple, c'est pas ça. Puis surtout, si le maître est orgueilleux, ben, le maître, il se croit supérieur au disciple. Puis le disciple, ben, lui, se croit inférieur. Puis le maître, sur quoi il appuie sa supériorité, ben, il dit, regarde, moi, j'ai fait des études au niveau universitaire, j'ai un doctorat, j'ai médité pendant 30 ans dans un ashram, ensuite, j'ai fait des stages de croissance personnelle pendant 20 ans, j'ai ci, j'ai ça. Donc, c'est plus tout le temps sur un bagage mémoriel pour se donner une autorité aux yeux du disciple. Puis le disciple, ben, qu'est-ce qu'il fait face à ça? Ben, il donne de l'importance à la forme auquel fait allusion le maître. Et sur cette base-là, ben, il renonce à son autonomie psychique en disant, bon, ben, le maître, il a étudié 20 ans en Inde ou au Tibet, il doit savoir ce qu'il dit. Fait que la personne se puis va se soumettre à sa doctrine aveuglément ou avec peu ou pas de remise en question. Ça, c'est la dynamique maître-disciple. C'est sûr que le maître peut abuser du disciple parce que, à quelque part, il y en a un qui est en position basse, puis l'autre plus élevé, dans le sens que le maître, il maîtrise quelque chose, il est vu comme connaissant, tandis que le disciple, c'est un individu en voie de développement ou en voie de connaissance. Donc, il y a comme une inégalité dans le rapport à la forme qui peut amener des abus d'autorité à travers ça. Tandis qu'un initié, il n'est pas intéressé à dominer les autres, mais il n'est pas intéressé non plus à se laisser dominer par eux. Lui, ce qui s'intéresse, c'est de véhiculer une vibration à travers sa parole. Donc, c'est une dynamique qui est différente. Et j'aborde ce sujet-là, c'est-à-dire ces trois éléments-là, devrais-je dire, maître, disciple et initié, pour être capable de bien les distinguer. Donc, l'initié, dans son sens fondamental, une conscience éthérique, tandis que le maître ou le disciple, c'est une conscience expérimentale, c'est une conscience planétaire, c'est une conscience qui s'appuie sur du mémorial, et c'est une conscience qui est liée au plan astral. Donc, le maître... dans le fond, est pas plus libre que le disciple dans le sens que dans les deux cas, les gens dépendent de la forme pour se donner une autorité, pour se donner aussi une forme de sagesse sur laquelle s'appuyer puis composer avec les événements et le réel. Tandis que l'initié, dans le fond, il s'appuie pas sur les formes pour composer par rapport au réel ou faire face aux contrariétés du quotidien. Il s'appuie sur sa capacité à se donner les réponses aux questions qui peuvent émerger dans son mental avec la compréhension que la pensée vient d'ailleurs, puis la capacité de véhiculer la vibration d'un savoir immédiat et instantané lorsqu'on a besoin pour faire face aux contrariétés de la vie de tous les jours. Sinon, l'initié vit dans un état de vide mental, tandis que l'ego du maître ou du disciple vit une forme d'insécurité qui vont faire en sorte que dans les deux cas, ils peuvent se mettre à réciter des formes en disant « Ah, ben là, j'ai appris ça à l'école. » Ouais, il faut que je fasse un petit rafraîchissement pour mettre à jour parce que là, il y a un examen bientôt dans le cas du disciple. Puis pour ce qui est du maître, ben le maître peut dire ah, ça fait longtemps que j'ai enseigné tel concept dans le cadre d'un cours d'anglais que je donne. Je vais me rafraîchir un petit peu avant de montrer la notion à mes étudiants. Fait que dans les deux cas, ils vont se rafraîchir en fonction de formes qui existent déjà. C'est sûr qu'à quelque part, oui, la forme de s'y référer pour avoir un code commun, pour composer avec une humanité psychologique, comme par exemple la maîtrise d'une langue, que ce soit celle du français, de l'anglais, oui, ça a une utilité relative, tant aussi longtemps que les êtres humains ont un mental réflectif et qui fonctionne au niveau psychologique. Mais lorsque les gens sont en fusion, bien à ce moment-là, la communication télépsychique peut s'installer entre eux et l'utilisation de formes comme élément référentiel pour créer une cohésion sociale n'est plus nécessaire. Mais rendu à ce stade, présentement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui fonctionnent à ce stade. Fait que c'est la raison en tant qu'ego qui fait en sorte que je continue de faire mes cours d'anglais où ce que je vais apprendre à maîtriser certaines formes, donc certains mots, par rapport à la langue anglaise qui est utilisée un peu partout dans le monde. Donc, j'investis présentement de l'énergie par rapport à ça et je le fais ça là, consciemment, sachant que l'utilisation de langue avec des mots qui sont des formes est utile, mais c'est sûr qu'il faut réaliser que ça ne sera pas nécessairement le cas dans 2500 ans. Là, où, bon, présentement, on vit ça, puis on a composé par rapport à ça. Mais le point que je voulais faire... par rapport à l'initié, le maître et le disciple, c'est de faire adéquatement la distinction de ces trois éléments-là pour ne pas les confondre. Donc, il ne faut surtout pas confondre, par exemple, l'initié et le maître, parce que dans les deux cas, c'est très différent. L'initié, sur le plan fondamental, c'est quelqu'un qui véhicule une conscience éthérique sans partir de la forme et de point de référent. Donc, il part du vide pour faire émerger des nouveaux éléments, alors que le maître s'appuie sur des formes qui existent déjà. Donc, la confusion peut être faite par rapport au fait que, par exemple, quelqu'un va canaliser quelque chose, va verbaliser, va véhiculer une vibration en lien avec quelque chose qui est similaire à un autre, et si... Par exemple, la personne est dans une conscience où il va manifester la dimension éthérique de son être et c'est un constat vibratoire, comme par exemple, si deux personnes observent le même phénomène social par rapport à une crise ou ce qu'il y a de la peur, bon, mais si la crise génère une peur puis une hystérie collective, c'est un constat énergétique qui se fait. Donc, c'est tout simplement, les deux personnes peuvent percevoir la même chose, mais s'il n'y en a pas une des deux qui se réfère à l'autre, mais chacun se réfère à sa propre source, bon, ben à ce moment-là, c'est des propos à caractère initiatique. Et les gens peuvent venir, plusieurs personnes, au même constat. Si la pensée qui vient de l'ailleurs puis elle n'est pas générée par l'ego, c'est un même constat initiatique. Tandis que si la personne est un maître, elle entend l'information que la pensée vient d'ailleurs puis elle répète en fonction d'un mémoriel relié au passé. Bon, ben là, on peut dire en effet que lorsque la personne fait ça, c'est en relation avec une conscience qui rattache la personne à l'astralité de l'instruction que peut être véhiculée par un initié dans le passé. Mais tout ça, c'est subtil parce que deux personnes peuvent véhiculer la même information relative à une instruction à caractère initiatique. Et dans les deux cas, ils peuvent, au niveau de la forme, dire la même chose. Sauf que dans un cas, la personne parle d'un savoir vibratoire, puis l'autre parle en fonction du mémoriel de quelqu'un d'autre qui fait allusion à ça. Comment séparer les deux? Bon, bien, c'est à regarder la vibration qui est derrière. Et aussi, au niveau vibratoire, c'est très simple. Celui qui est disciple, le taux vibratoire est plus beau que celui du maître. Et l'initié a un taux vibratoire plus élevé qu'à la fois le disciple et le maître. Pourquoi? Bien, parce qu'il est capable de générer des nouveaux éléments et a une conscience qui est au-delà de celui de la quarantaine planétaire qui le limite par rapport à certaines formes qui existent, qui sont en relation avec l'infrastructure astrale planétaire. Et la distinction entre le maître et l'initié vient du fait que le maître va toujours régurgiter des éléments qui ont été véhiculés dans le passé, tandis que l'initié est capable d'amener des nouveaux éléments. Il y a une conscience génératrice, une conscience créative aussi. Sinon, par rapport au sujet à aborder, ce que je voulais rajouter comme élément, c'est que dans le passé, j'ai véhiculé, entre autres, des vidéos de Berthold que j'apprécie sur ma chaîne YouTube, également Facebook. Même chose par rapport à Marc de la Salle. Et sur Facebook, j'ai relayé aussi là, des liens là, par rapport à des vidéos de Bernard de Montréal. Et là, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire, ah, regarde, là, tu relais des informations de d'autres personnes qui parlent de conscience sur Internet, tu le fais souvent, donc tu te comportes comme étant quelqu'un qui est un disciple. Et par rapport à ces gens-là, ce que j'ai à dire, c'est que j'apprécie la conscience de ces individus, mais je ne me considère pas comme un disciple dans le sens quelqu'un qui va se référer « Ah, je suis confronté à telle situation, qu'est-ce que Bernard de Montréal dirait ou qu'est-ce que Berthold dirait ou qu'est-ce que Marc de la Salle dirait comme point de référence? » Non, je fais pas ça. Donc, je vise pas à canaliser à travers moi Bernard de Montréal ou Marc de la Salle qui sont des êtres qui ne sont plus sur le plan physique puis rentrer en transe pour chercher conseil auprès d'eux. J'en ai déjà assez par rapport à mon propre esprit qui, depuis plusieurs années, m'amène plusieurs informations puis ça n'arrête pas. Donc, juste avec lui, j'en ai beaucoup. J'ai pas besoin d'être disciple non plus des extraterrestres puis de canaliser des êtres angéliques pour savoir quoi faire dans la vie. Donc, je vise pas à utiliser des éléments référentiels extérieurs à moi pour savoir comment vivre ma vie puis jouir de mon existence. Pourquoi que j'ai fait ces partages-là, entre autres, c'est que ces gens-là ont véhiculé des éléments que j'ai trouvé intéressants. Dans certains cas, m'ont amené à connaître des ajustements vibratoires. Et c'est sûr que ça m'a apporté quelque chose. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ben les gens vont dire, ben regarde, c'est ça. Tu parles que tu as été ajusté avec eux, tu as bénéficié de leur intelligence, donc tu es leur disciple. Tu leur donnes de l'importance. Oui, j'ai donné de l'importance à ces gens-là, mais d'être disciple dans le sens de croire aveuglément que tout ce que ces gens-là disent, non, pas du tout. Donc, c'est très différent. Là, les gens vont me répliquer, ils vont dire, ben là, si tu en partages si souvent que ça, c'est parce que tu es attaché à eux. C'est sûr que par rapport à ça, je dois dire que souvent, je passe du temps à écouter ces enregistrements-là. Donc, est-ce que je devrais prendre un peu plus de recul? Ça, c'est un élément à évaluer. C'est sûr que présentement, là, j'apprends, oui, en effet, à prendre un peu plus de recul. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de bénéficier de leurs vibrations, puis je trouve ça plus stimulant qu'écouter des gens qui vibrent à la peur dans des bulletins de nouvelles, là, dans les médias de masse. Je trouve ça un petit peu plus élevé vibratoirement. Donc, il y a cet élément-là aussi en considération. Par contre, le point que je veux faire, si on prend la définition formelle que j'ai regardée là, tantôt sur Google par rapport à la notion de disciple, le disciple, c'est quelqu'un qui va suivre la doctrine d'un maître. Or, dans le domaine de la conscience supramentale, il n'y a pas de doctrine, c'est-à-dire de forme à se soumettre, comme dans d'autres enseignements, que ce soit un enseignement ésotérique, philosophique ou religieux. Donc, dans le domaine de la religion, la personne, il faut qu'elle se soumette, par exemple, à la notion que si elle a, par exemple, des relations sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage, elle est dans le péché. Donc, si elle ne suit pas ce commandement-là, ben, elle ne suit pas la sainte doctrine qui est dit sainte, parler de l'Église catholique. Donc, il y a différentes choses à soumettre. Par exemple, pas manger de la viande le vendredi. Il faut qu'elle aille à la messe tous les dimanches. Donc, se soumettre à une doctrine. Donc, il n'y a pas de ça chez moi. Par rapport à Marc de la Salle, Bernard de Montréal ou même Bertol, avec lequel je fais des entrevues, non, je fais mon examen de conscience devant vous. Je ne soumets pas par rapport à eux. Et c'est sûr qu'avec le temps, je vous dirais que je suis de plus en plus irrité parce que j'ai fait une mise au point récemment, entre autres par rapport à Bertold, à l'effet que si vous avez des questions par rapport à lui en relation avec ses enregistrements, adressez à lui directement. Moi, je ne suis pas intéressé à jouer l'intermédiaire avec lui, puis je ne suis pas son disciple, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me perçoivent comme étant le disciple de Bertold, par rapport au fait que, bon, j'ai partagé beaucoup dans les derniers mois de vidéos de lui, et ils n'ont pas tort. C'est vrai que si je partage beaucoup de vidéos, ça peut donner cette impression-là, c'est sûr que par rapport à ça, il y a des gens qui veulent, dans le fond... explorer certains éléments de ce qui est véhiculé par Bertold. Puis là, j'avais fait cette mise en garde-là dans une vidéo précédente, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ne l'ont pas écouté parce qu'il y a des gens qui me posent encore des questions en lien avec Bertold. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Entrez en communication avec lui, entre autres par YouTube. Il est possible de mettre des commentaires en bas des vidéos. Je pense que la chose la plus pertinente à faire, c'est de ramener les gens par rapport à Bertold. Là, je le fais encore une fois là, à travers la vidéo. J'ai plus envie de le faire, puis je veux passer plus mon temps, non pas rediriger les gens qui sont intéressés à parler avec Bertold à Bertold, mais ce que je veux faire, c'est que je veux passer mon temps à amener quelque chose à travers ma parole qui participe à des ajustements. Dans les dernières vidéos que j'ai faites, je visais à m'auto-ajuster, entre autres, à travers la parole, puis m'amener plus loin dans la compréhension du réel, puis générer un taux vibratoire. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à Bernard de Montréal, Marc de la Salle, etc., posez-moi pas ces questions-là, ça m'intéresse pas. Par exemple, par contre, si vous avez des questions par rapport à ce que moi je dis, posez-moi-les. Et j'espère de plus avoir besoin de faire ce type d'intervention à travers mes enregistrements. Et ce que je voulais mentionner aux gens aussi, là, c'est que là, j'ai au moins... parce que là, je partageais des enregistrements de Bertold là, sur ma chaîne YouTube là, en grande quantité dans les dernières semaines, dans l'optique de que ça soit sauvegardé. Puis là, j'ai regardé vibratoirement, puis derrière ça, j'avais de la peur que ça disparaisse d'Internet. Fait que là, si je vibre à la peur, c'est parce que je suis astralisé. Fait que là, je vais arrêter par rapport à ça. De toute façon, Bertold, il y a son canal, puis il y en a un autre, c'est Supramental Bertold, où ses vidéos sont relayées. Fait que les gens, allez là, les écouter tout simplement. C'est sûr que je voulais faire une mise au point aussi par rapport au fait que récemment, par rapport à l'enregistrement qu'a fait Bertold le 11 novembre, que je trouvais très intéressant, où il y avait un discours que je trouvais très vibrant, aussi intemporel, c'était pas un commentaire sur l'actualité, où il était question de la fusion. Bon, ben, je vais proposer à Issia Perrin, donc que je remercie si elle m'écoute d'ailleurs, de procéder à la transcription de Bertold. J'ai dit dans les derniers enregistrements, je le trouvais particulièrement vibrant celui-là. Fait que je lui ai proposé, puis elle a fait des transcriptions depuis plusieurs années des enregistrements, entre autres, de Bernard de Montréal. Et par la suite, cette transcription-là, en passant, vous allez pouvoir la retrouver sur mon blog. Ce que j'ai fait, ben, j'ai dit ça, puis elle a accepté. Ça a été fait, puis là, je l'ai partagé sur mon blog. Et là, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont interprété, ben regarde, tu partages des transcriptions de Bertold parce que tu es un disciple de Bertold. Puis là, il a fallu que je fasse encore une fois des mises au point. C'est sûr que oui, j'ai apprécié cet enregistrement-là de Bertold en particulier, mais je me couche pas le soir en faisant des prières à Bertold ou d'autres personnes dans le domaine de la conscience. Là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Et c'est sûr que ça se peut que dans les prochaines semaines, là, je partage moins là, de vidéos de Marc de la Salle ou de Bernard aussi. Je verrai selon la vibration du moment. D'ailleurs, par rapport à Marc de la Salle, ce que j'ai à dire, c'est que l'un de mes rêves, c'est que quelqu'un prenne la relève là, par rapport à tout le matériel qu'il a produit, puis que sur YouTube, il y a une chaîne un peu comme BDM International, qui est très bien faite. Donc, on a de manière assez exhaustive, assez complète, là, l'ensemble des enregistrements là, de Bernard de Montréal, bien numérotés. Donc, si vous ne la connaissez pas, là, cette chaîne-là là, est très intéressante. Je vous propose de la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Donc, une chaîne dans ce style-là, mais pour Marc de la Salle, ou qui aurait juste les vidéos de Marc de la Salle. Je pense que ce serait la meilleure chose là, qui pourrait être faite. Et c'est sûr que par rapport à Marc de la Salle, dans les derniers mois, une fois de temps en temps, je mettais une vidéo sur ma chaîne. Et ça me demandait de l'énergie, pour être honnête avec vous. Puis si j'ai du temps, je préfère utiliser mon temps pour parler puis générer une vibration plutôt que de faire l'aspect technique là, de montage, parce qu'il y a des enregistrements de marque en grande quantité, mais c'est audio. Puis là, il faut que j'utilise un logiciel, je mette une image de fond par rapport à ça. Ensuite, il faut que j'enregistre. Ensuite, il faut que je téléverse le fichier créé en format WAV ou MP4 là, sur YouTube. Ça me demande du temps, ça demande de l'énergie, puis c'est une tâche qui est technique. Et ce qui me plaît plus présentement, c'est parler. C'est pas être un technicien qui met à disponibilité sur Internet du matériel, c'est de véhiculer une vibration à travers ma parole. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Et j'espère que les choses sont claires entre nous. Et c'est dans une optique d'éclaircissement que je parle, entre autres, là, en cet enregistrement là, d'aujourd'hui. Parce que, tabarnak, je veux pas, dans le fond, que les gens me voient comme un disciple. Et je n'ai pas non plus envie d'être un disciple. Et c'est pour mettre les choses au clair. Et c'est sûr que par rapport à ça, le point que je veux faire fondamentalement, c'est de réaliser les limites, par exemple, d'un comportement. Dans le sens que, oui, dans le passé, j'ai écouté pendant plusieurs années de temps des enregistrements de Bernard de Montréal. Et oui, au niveau vibratoire, ça me stimulait d'écouter ça plutôt qu'écouter des bulletins de nouvelles ou des émissions de télé-réalité insipides. Par contre, c'est sûr que si j'écoute les enregistrements pour monter en vibration, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas capable de m'auto-générer et ça me garde dans un état de dépendance. Et par rapport à ça, ben, je me suis mis moi-même à faire des enregistrements pour pas dépendre des siens où je vais me permettre de parler à voix haute pour véhiculer une vibration qui m'amène plus loin puis de me sortir d'un état, par exemple, d'astralisation ou de basse vibration par moi-même pour développer mon autonomie. Donc, c'est sûr que dans le passé, je suis capable de faire amende honorable et de reconnaître, oui, j'ai bénéficié de la vibration de Bernard, Marc de la Salle, d'autres intervenants aussi dans le domaine de la conscience. Par contre, c'est temporaire. Parce que tabarnak, je peux pas passer ma vie à écouter ces enregistrements-là. Et à quelque part, le temps passe. Je suis rendu à 40 ans. Là. À un moment donné, il va falloir que je passe à autre chose aussi. Donc, ce qui est utile temporairement, à un moment donné, il faut être capable d'aller plus loin. Puis, ce que j'en suis dans ma vie, c'est de la vibration. Pour ça, c'est plus de m'auto-générer à travers la parole. Donc, c'est la raison, entre autres, là, pour laquelle je m'en vais dans une lignée d'enregistrements qui vont être différents dans l'avenir, la façon que j'entrevois ça, moins de références au passé. Et c'est sûr que, par rapport à tout ça, comme d'habitude, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.